en direct et en exclusivité pour vous. De 20h à 22h, il revient chaque semaine. C'est... Bah, c'est Jadoul en fait. Jadoul. Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans l'émission numéro 1 du samedi soir et j'espère que vous êtes en très grande forme car moi je suis déchaîné. Ce soir ça va être la folie, déjà que la semaine passée on doit vous remercier. Vous avez fait de cette émission la numéro 1 du samedi soir. On a battu des records, on a triplé notre moyenne. Donc là franchement il n'y a que vous pour nous faire cet immense cadeau. On est très content en tout cas que vous nous donnez la chance de vivre tout ça. Nous avons dans le studio aujourd'hui notre Dream Team, à commencer par Kylian Welfring. Bonjour à tous. Comment ça va? Bah très bien toi. Est-ce que tu t'en es remis de ton rôle de la semaine passée qui était assez disons peinard? Bah je vais devoir continuer hein. J'ai toujours le téléphone près de moi donc Non franchement bah, peinard non, il faut s'occuper quand même du site Instagram mais... Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, il faisait le rôle de huissier de justice. Donc en gros il restait assis, il faisait rien. Et pendant ce temps là les autres étaient en train de partir à l'extérieur et tout ça, en train de chercher. Non, c'était à la jungle. Donc c'était la grande fouille, ça vous a plu, ça a cartonné, donc on vous remercie. Et le podcast est encore disponible sur ilarfm.com. Bien, dans ce studio nous avons également le retour de la bête de scène et la bête tout court. Voici Terence Bernard. Bonsoir à tous. Il fait toujours autant flipper. Ça va? Ça va, super, et toi? Ça va, on va encore régler ton micro parce qu'on l'a installé à l'arrache parce qu'on était en délocalisation. Bah oui, mais j'ai vu ça, j'ai même pas de casque. C'est super perturbant. T'as je m'entends pas. De casque, toi, tu... J'adore m'entendre. T'es tellement... Oh là là. Je pense qu'on va encore frôler des niveaux de narcissisme à un point extraordinaire. Alors aujourd'hui, je dois vous le dire, on coupe un petit peu cette ambiance car on aura... Elle a une intelligence, mais à sa manière. Donc... Une intelligence pour dire des conneries, ouais. Oh, je pense que t'es pas mal placé pour dire ça. C'est pour ça qu'il le dit. Ouais, non, mais Terence, c'est aussi quelqu'un de très, très, très investi dans les conneries. On réécoutera certaines choses de la semaine passée et on fera un petit best-of de certaines choses qui ont été dites sur cette antenne. Je pense qu'on aura de quoi se marrer. Aujourd'hui, on va encore écouter des titres assez sympas, n'est-ce pas, Kylian? Bah, comme d'habitude, toi. J'espère qu'elle écoutera pas le podcast, en fait. Qu'elle réécoutera pas l'émission. Ah bah, là, elle est pas là, en fait. Bah, je vous explique. C'est déjà parce que là, il faut que t'assumes, hein, parce que tout ce que tu dis va être pris, et même si t'as pas envie qu'elle le sache, ça va quand même venir à ses oreilles. Tu sais, on est beaucoup à être. Mais je t'aime bien, ma petite Alissa. T'es conne, mais je t'aime bien. Oh, c'est trop mignon. On dirait presque qu'il est sincère. Donc, non. Sincèrement, tu vas essayer aujourd'hui d'être gentil et poli avec tout le monde. D'accord. Bah alors soyez gentil avec moi aussi, hein, parce que vous êtes pas mal dans votre genre. On est toujours gentil avec toi. Tu rigoles ou quoi? Allez, Bambola maintenant sur Ilar FM. Il est exactement quelle heure, Kylian? Ah, il est 20h05. Merci. Nous sommes en direct. Passez une belle soirée. Vous êtes dans Jadoul. Là. Pour toutes les filles qui viennent et attendent. Messieurs, dames, nous sommes en direct, j'espère que vous passez une belle soirée et on est de retour là, en pleine forme d'ailleurs, avec nos chroniqueurs qui sont là et qui sont en train de discuter tout simplement de leur vie. Ça vous va? Oui, mais comme dirait Indochine, la vie est belle. Donc. Oui, la vie est belle. J'allais te lancer la cartouche, j'allais faire le malin, mais je l'ai pas là sous la main. Donc si tu meubles deux secondes, je peux la voir, tu sais. Ah, je connais pas les paroles. Attends, je peux déplacer celui-là de meuble, il y a la chaise là, attends, vas-y. Vas-y, Terence, fais-nous pas encore là. Donc, ouais. Ah ouais, donc au niveau. Donc là, je meuble. Là. Fais-nous un freestyle, voilà. Vas-y. Niveau humour, c'est toujours pas fais-nous ça. Fais-nous un freestyle là, avec Ilar FM. Voilà. Un freestyle de. Du RFM, je sais pas, il va raconter ça. Non, mais si c'est pour qu'il rappe, moi je ça sors. c'est même pas la peine. Non, Indochine, la vie est belle, c'est ça pour tous ceux qui ne connaissent pas. La vie est belle, aussi belle que toi. Et d'ailleurs, en parlant de beauté, ce qui est beau, c'est que hier on était le vendredi 13. Alors je sais pas ce que ça vous inspire, vous, le vendredi 13. Ah oui, c'est vrai. Je suis né un vendredi 13, donc moi ça m'inspire. Oh merde! Mais tout s'explique. Mais après vous dites vous êtes gentil avec moi hein, non, mais on est gentil, on fait dire la vérité. Non mais non, honnêtement je savais pas du tout que t'étais né un vendredi 13. Je suis complètement choqué, mais c'est pas grave, il faut comme quoi ça choses. Porte chance aussi des fois. Non je rigole, non ça porte malheur je crois pour mes parents. Ouais, mais j'imagine le truc, ça devait être vraiment comme ça. J'accouche le 17. Ah, non, ça n'ira pas. On n'aura pas de bol. Accouche le 13. T'es sûr? Oui, oui, je suis sûr. J'accouche le 13. Donc ça tombe un vendredi 13, malheureusement. Et je suis désolé pour toi. Il a sorti sa tête, il a fait coucou, c'est moi, Terence. Et tout le monde a fait oh non. Non, mais c'est vrai, on n'est pas gentil avec lui, c'est une horreur. Mais pourquoi vous êtes tout le temps comme ça, hein? Et moi, dès que je dis un petit truc méchant, on me recale. Bah, c'est normal. C'est toujours comme ça, façon avec moi. Ouais, ouais, mais comme tu dirais. Juste parce que je suis né un vendredi 13. Ouais, mais comme tu dirais. C'est très incertain et assez flou. Voilà. Mais t'as repris ça du reportage de. Bah ouais. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais il est sérieux, lui. Mais pour t'embêter, tout simplement. J'en ai plein sur tout le monde. Donc, il s'endort avec ça, hein, je te rassure. Mais c'est très incertain et assez flou. Non, je m'endors pas avec. C'est vrai que si je pouvais en vivre, bah, ce serait magnifique. Ce serait énorme, ouais. J'en ai plein. Faut pas m'embêter ce soir, j'en ai plein. On va y arriver. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc hier c'était vendredi 13 et tu peux m'aller sur le site de la Loterie Nationale, ah, Kylian, s'il te plaît. T'avais oublié, bah oui, je te l'ai demandé hors antenne pour que ce soit prêt à l'antenne. Mais voilà. Mais tu racontes tellement plein de trucs en dehors de l'antenne que... Donc voilà, j'ai un billet ici Euromillion et je n'ai pas été voir s'il est gagnant. Mais vaut mieux pas. Vaut mieux pas, effectivement. Mais voilà, j'ai joué des numéros complètement au hasard, plus un numéro bonus, plus un joker plus. Donc peut-être que je vais être millionnaire. Donc vous laissez en plan et me barrer complètement à poil dans la rue. Donc est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quels sont les résultats du loto? Tiens, tu te démerdes. Ah, c'est trop sympa. Je sais. Merci. Donc voilà, il est sur le site de la Loterie Nationale et je vais tenter en direct de trouver les résultats. Ah, je sais. Donc hier, les numéros sortis sont... Kylian va nous les dire à l'antenne, les numéros qui sont sortis, et moi je vais duquel dire... Je vais dire j'ai ou j'ai pas, d'accord? Mais t'as joué auquel? Ah, mais Euromillion, j'ai dit. Ah, Euromillion, donc attention, okay. Je vais essayer de trouver un bed pour habiller ça plus ou moins proprement, car on est émission qui fait quand même les choses, on va dire, correctement. Ah, d'ailleurs, en plus, j'ai un nouveau bed ici, c'est magique. On y va. Je t'en prie, les numéros. Attention, la est lancée. Suspense. Le 5. Le 5. C'est bon, t'as déjà perdu. J'ai pas. Suivant. Le 25. Le 25. J'ai pas. J'ai le 26. Ah, le 34. J'ai pas. J'ai rien du tout. Ah bah c'est bon, laisse tomber. Vas-y, continue. Ah bah le 48. J'ai pas. J'ai le 43. Ouais, mais ça, on s'en fout. Le 50. J'ai pas. Le 6. Enfin, l'étoile, c'est le 6 et le, ah. Et le 7. Ah bah aucun des deux. Non, j'ai le 1 et le 12, donc mais c'est pourquoi rien à tu voir. Pourquoi tu humilies en live comme ça? Tu t'humilies, quoi. Tout le monde sait que t'as perdu. J'ai pas joué les numéros, non, c'est un truc, en fait... Il croyait vraiment qu'il allait gagner au loto. Mais non, mais comme ça, on joue avec nos auditeurs. Et mesdames, messieurs, bah j'ai perdu, voilà. Donc j'arrête la radio ce soir. Non, très sérieusement, je voulais voir en direct partager ce moment-là au lieu de le faire tout seul. Ah bah là, on a bien partagé, hein, moi je ouais, c'est super, c'était super intéressant en plus, quoi. Trop sympa. Allez, on continue. Le My Bonus, est-ce que t'as le code My Bonus? Ah merde. Attends, je rallume. C'est pas Jean-Pierre Foucault qui fait ça sur TF1? Ah si, c'est possible. C'est faire la voix de Jean-Pierre Foucault? Non. Si. Non. Si. Je sais même plus qu'est-ce qu'il a comme voix. Bonjour mesdames et messieurs, ce soir c'est Jean-Pierre Foucault. Non, sérieusement, c'est lequel que tu veux? Le My Bonus. My Bonus. T'as trouvé ça où toi encore? Euromillion, Joker. Ou le Joker Plus. Bah, il y a deux Joker Plus, alors. Ah non, c'est celui du. Joker Plus du vendredi 13. Pas compliqué. Alors le 1. Ah non, ça c'est celui du loto. Le Joker Plus, ok. Le 6. J'ai pas. Le 8. J'ai pas. Le 3. J'ai pas. Le 0,56, un bélier. Hop, c'est bon, t'as perdu. Là j'en ai un. 0, 5, 6, bélier. Et j'ai le 6. Bah tu gagnes quoi, 5 centimes? Ah bah je gagne le prix du ticket. Et le signe astrologique c'était? Le bélier. Ah oui, c'est un capricorne. C'était, peut-être. Non, c'était Gémeaux. Donc on est complètement un peu à côté de la plaque. Bah bravo, on peut s'applaudir, on a complètement foiré. Donc oui, bah c'est... Non, j'ai aucun de tout ça, j'ai juste le 6. Donc ouais, je peux aller me coucher. Merci, en tout cas, toi tu joues? Bah non, jamais. La seule fois où mes parents ont joué au loto, ils ont gagné 10 000 euros. 10 000 euros au loto? C'est la seule fois où ils ont joué. C'était le jour de leur mariage et ça remboursait en fait tout le mariage complètement. Ils ont joué le jour de leur mariage, ça remboursait tout. Bah effectivement. Bah finalement t'as peut-être de la chance toi. Hein. Oh là là. Bah non, lui non, ses parents. Oui, ses parents. Voilà. D'ailleurs. Bah non parce qu'ils m'ont eu. Ouais, ça c'est vrai. Mais ils sont toujours ensemble. Bah, t'es bon choix. Bah oui. Et t'es on leur souhaite. On leur souhaite tout leur bonheur et bah félicitations, c'est génial ça s'ils savent gagner le jour de leur mariage. Il y a bien Thomas qui sépare le jour de la radio alors. Ouais. Non mais je vous propose, j'avais aussi des tickets à gratter là. Aucun, rien, zéro. Hein. Moi je n'ai jamais eu de chance au jeu. Mais à chaque fois que je gagne à l'euro-million, ça me rembourse le prix que j'ai payé l'euro-million. Bah tant mieux. Bah tant mieux, comme ça je joue gratuitement et voilà. Et on joue le ticket suivant en fait. Oui voilà, c'est ça. Et parfois je gagne genre 14 euros, donc je repaye le billet suivant avec ce que j'ai gagné. Donc voilà. Mais franchement c'est pas demain la veille que je gagne. Attends, 14 euros, attends, ça coûte combien un ticket? Un ticket, bah ça a changé. C'est des nouveaux prix. Avant c'était 3,50, maintenant c'est 4 euros. C'est cher, je pensais que c'était genre 50 centimes moi. Ah non, c'est 4 euros. C'est 4 balles. Ah ouais, donc ceux qui jouent toutes les semaines en fait ils perdent. Bah oui, le but c'est quand même de t'arnaquer. Hein. C'est un truc sinon, malade. Sinon, comment ils feraient les gains C'est ça. Mais pourquoi, il dit ça, mais il joue, tu sais. Le but c'est de t'arnaquer. Moi, hein. Mais j'y joue. Hein. Moi je joue machine à pièces. Hein. Le but c'est de m'arnaquer. Euro million, j'y crois pas une seule seconde, mais une fois de temps en temps, genre vendredi 13, ça m'intéresse de jouer. Mais lui pareil, les machines à pièces. Moi les machines à pièces. Ah, je pensais que t'avais quelque chose à dire, mais c'était le gros plan. Je l'ai dit. Vous êtes un peu superstitieux, du coup. Non, moi nettement non. Non. Toi oui. Non. T'es un peu superstitieux, genre. Mais vous jouez quand même les vendredis 13, donc. Bah oui, mais ça toi aussi. Oui. Genre je sens que le truc Spotify va passer, bah voilà. Là ouais, la pub Spotify quand on écoute de la musique, ouais, c'est toujours. Je sens que ça va arriver. Bien, je vous propose que l'on s'enchaîne avec les news de la semaine dans quelques instants. On va vous raconter plein d'anecdotes et également une anecdote de Kylian dans une cabine d'essayage. Ça vaut vraiment le détour. Bien, on a beaucoup de choses. Non, rien de sale, rien de sale. Tu vois, ben ça. Non, Alissa n'est pas convenue, donc ça sert à rien de penser d'ailleurs, à des choses. Il se passe quoi avec Alissa, on peut nous dire? Je regarde mon téléphone, attends, parce que c'est vrai que... T'as son numéro de téléphone? Non, il a son... Idiot, tu es né un jeudi. C'est ce que mon père, il m'a écrit. Ah, il t'écoute? Ouais, apparemment, il m'écoute. Non, en fait, je me suis trompé, je suis né un jeudi. Mais non, papa, non, c'est un mytho, il m'a toujours dit que j'étais né un vendredi 13. Ok, d'accord, en fait... Ou alors, il disait ça pour être méchant avec moi. Possible aussi. Tu es né en quelle année? Ça va être bien simple. En 2001. Tu es né en 2001? Ouais. Bon, ça, déjà, tout va bien. Tout va bien. Je remonte dans le calendrier environ 10 ans plus tôt. Voilà, je suis en direct dans un calendrier sur mon ordinateur et je remonte, voilà, on est en 2015 jusqu'en 2001. Bon, ben dans 3 heures, hein, les voilà. Auditeurs. C'est pas grave. Vous êtes déjà allé vous coucher, vous écouterez la suite demain matin. Il a juste de la branlette. Il est qu'en 2015, quoi. En quel mois? Est-ce que vous entendez? Septembre. C'est l'ordinateur. En septembre, ok, septembre 2001, on est déjà en 2007, c'est plutôt pas mal. On remonte. D'ailleurs, on va bientôt fêter les 4 ans d'Hilar FM. Vous saviez ça? Non. Ah bah voilà, comme ça vous le savez. C'est parfait, c'est on est en 2003, en 2002 et on arrive en 2001, en septembre 2001. À l'année, enfin au jour de naissance de Terence. Et je te jure qu'il a raison, ton père, c'est un jeudi, le vendredi 13, en 2001. C'est mais alors, il faisait toujours des blagues pour être méchant en disant « Tais-toi, t'es né un vendredi 13, à mon avis, en fait. » Et moi, je pensais que c'était C'est vrai. Pas grave. Pourquoi t'as dit « C'est un jeudi, hein, le vendredi 13 ?» Oui, bah, enfin, son vendredi 13, c'était un jeudi, quoi. Ah. C'était le 13. Non, parce que le mec, c'est un jeudi, 13, le vendredi 13. Quoi. C'est un jeudi 13. Okay. Bon, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais du moins, c'était clair pour moi, c'est l'essentiel. Sinon, à part ça, pas de nouvelles d'Alissa, non. Non, bah, on va essayer de trouver un moyen de la contacter. Au pire, on ira toquer chez elle. Bien, on va s'enchaîner avec un petit peu de musique, si vous en pensez quoi. Ouais. Quel est le titre que t'écoutes en ce moment en boucle, Terence? En boucle, oula. Black Eyed Peas. Scylla. Truc passé. Scylla. Ah, mais Scylla? Scylla, mais à mon avis, tu l'as pas. Scylla. Ah, c'est un rappeur. Ouais, c'est un. Ouais, voilà. Ouais, c'est lui, Ahmed Scylla. Il est vraiment, vraiment. Non, bon. Pas Ahmed Scylla. Un rappeur belge, mais il est pas du tout connu. Ah, ok. C'est un vieux, un ancien. Et tu l'écoutes en boucle, comme ça? En boucle. Vraiment, en boucle. Tu l'adores. En boucle, c'est mon rappeur préféré. Bah, tu nous le feras découvrir dans quelques instants. On émettra une petite critique personnelle, voir si on aime aussi. C'est aussi ça le but de cette émission, partager ce qu'on aime et tout ça. Et toi, ce que t'écoutes en boucle en ce moment, c'est DJ François. c'est son oncle, c'est ça. C'est ton oncle, ouais. J'ai jamais écouté en fait ce qu'il faisait. En fait. Mais non, mais c'est genre le gars qui fait la disco. Ah, la boom du coin, quoi. Voilà, et qui sort du Claude François. Mais ceci dit, pour Scylla, je sais pas si tu vas aimer, parce qu'il faut plusieurs écoutes en fait pour comprendre toutes les paroles, parce qu'en fait il est. Ah, c'est du bon rap, quoi. Il écrit vraiment des trucs en fait qui ont des chansons qui ont 10 sens différents, donc c'est super abstrait et faut réécouter en fait plusieurs fois. Et à chaque fois que tu réécoutes, tu trouves un sens différent. Ouais, donc la première fois que tu écoutes, en fait, tu comprends rien, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte lui. Je comprends rien. D'accord. Ouais. Donc après 15 écoutes, tu comprends peut-être un petit peu la musique. Ok. Bah pourquoi pas, en tout cas j'espère que nous on va comprendre qu'on s'écoute Un été français, le remix de Joachim Garraud à l'instant sur Galerie FM. Passez une belle soirée, vous êtes dans Jadoul, on vous lâchera jamais. Vous êtes ici chez vous, c'est dans Jadoul, le 20h-22h qui ne vous lâchera jamais, sachez-le bien. Et c'est surtout que, comme le dirait Emmanuel Macron... Et on me dit que c'est trop long. Non, pas vraiment. Voici Terence Bernard qui est toujours avec nous dans le studio. J'espère que tout va toujours bien pour toi. Ouais, tout va toujours bien. Oui. Car je ne te cache pas qu'on a des séquences prévues avec toi. Tout va toujours bien pour le moment, quoi. Oui, pour le moment, quoi. J'aimerais juste avant revenir sur quelque chose que Kylian et moi on a fait dans l'émission. Mm-hmm. C'était il y a quelques temps. On a un peu honte car la dernière fois on a lancé un titre et la personne en fait est décédée le lendemain du lancement du titre. Donc je vous propose de réécouter ce que c'était. C'était il y a je ne sais pas deux semaines je pense. C'était ici. Ça s'est passé chez Jadoul. Et allez, on va maintenant se donner un petit peu de motivation en sortant le champagne, pourquoi pas, de Jacques Higelin. Jacques Higelin, tu sais le dire ? Jacques Higelin, bah je sais pas. Jacques Higelin. Jacques Higelin. Jacques Higelin. Jacques Higelin. Jacques Higelin. Jacques Higelin. En réalité, la personne que vous avez entendue, dont on clamait le nom, est décédée le lendemain qu'on a fait ça. Donc ça, c'est vraiment faute de circonstances. Voilà, on s'excuse vraiment. C'est ta faute. Ouais, c'est ma faute. Voilà, il faut jamais redire un nom comme ça parce que la prochaine fois, ça va nous porter la poisse. Quoique, il serait capable de le redire. Ah, mais c'est ça en fait. Depuis tout à l'heure, tu demandes où est-ce qu'elle est, Alissa. Ça se trouve, en fait, à cause de toi, elle est morte. Ouais, on a fait Alissa, Alissa, et en fait, elle est morte. Avec le geste là, c'était très particulier, Thomas. Terence Détain, surtout à Kylian. En tout cas. C'est possible. Ce qui confirme que c'est faux ce qui s'est passé, donc quand on a écrit son nom, c'est pas ça qui a fait sa mort, car c'est juste parce qu'après on est revenu en studio et on a fait Jadoul, et je ne suis pas décédé, donc tout va bien. Pas encore. Enfin, il faut que je vérifie dans ma famille, peut-être. Mais allez. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ah bah. C'est pas maintenant, parce que sinon on va perdre encore du temps. On a pris d'ailleurs l'antenne avec 20 minutes de retard, car en fait on était de l'autre côté de la ville pour un autre événement sur une autre radio. Donc du coup, on a dû revenir ici un petit peu à l'arrache. Mais l'émission de ton côté s'est bien passée, Kylian, le 19h-20h. Bah je pense. Hein. C'est pas moi à juger. Ça a été. Et franchement, je tiens encore à vous remercier, je suis désolé, mais l'émission de la semaine passée était vraiment exceptionnelle. Et même si au début ça paraissait un petit peu. C'est très incertain et assez flou. C'est vrai qu'au final on s'est rattrapé et c'est l'émission dès 21h20, elle a commencé à rouler à une vitesse et après on avait les questions qui s'enchaînaient. On est resté même jusqu'à 22h30 tellement ouais, on était en retard, on n'a jamais rendu l'antenne aussi tard et une radio qui rediffuse notre émission ARL a coupé même l'émission avant la fin. Donc ça s'est coupé à 22h pile, ouais. Voilà, mais pour les fidèles auditeurs d'Hilar FM, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Bien, l'actu de la semaine dans quelques instants, mais maintenant voici, quand même, on ne pouvait pas la manquer, l'anecdote de Kylian Welfring dans sa cabine d'essayage. Bon, là je prends l'accent normal. Hein. Ouais, oui. Ça marche. Alors, bon, bah, préparez-vous parce que c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est drôle, mais. Alors. Vends-la bien au moins. Voilà. Bon, alors j'étais donc dans un magasin d'habits et je devais essayer des pantalons, des belles pantalons quoi. Et ce que j'ai eu comme problème, c'est que j'ai essayé un pantalon qui était trop petit à ma taille. Tu vois, donc c'était du 27 à la place du 28. Et donc, bah, je l'essaie en cabine, donc je le mets. Bon, déjà pour le mettre, c'est compliqué, mais après, j'arrivais plus à l'enlever. Bon, alors je me bats. Dans le pantalon. Voilà, je me bats à travers. Si t'arrives pas à le mettre, c'est que t'arrives pas à l'enlever, hein, en général. Voilà. Ah, mais j'avais c'est du vrai, mal. C'est pas con. Oui, mais... Première phrase intelligente de Terence. Non, mais j'ai eu du mal à le mettre, tu vois. Mais à l'enlever, c'était encore pire. C'est ça qui était pire en fait. Enfin, ah, ouais. Ah ouais. Et du coup, donc, à travers la tortue, ils ont vu les bras qui tapaient dans la tortue. Enfin bref. Et du coup, la femme donc a été descendue, celle qui travaillait dans le magasin, quoi. Puis elle remonte. Et quand j'ai réussi à enlever mon pantalon, bah mon père lui explique en fait ce qui s'est passé, parce qu'elle dit alors ça a été pour le pantalon. Il fait bah en fait il a réussi à le mettre, mais il arrivait plus à l'enlever. Du coup bon bah voilà, il a essayé de l'enlever, mais c'était compliqué. Puis la femme elle fait ah oui mais quand c'est comme ça, si on n'arrive pas à l'enlever du haut vers le bas, faut alors mettre de la vaseline. Il faut se mettre voilà non. Non elle a dit alors il faut l'enlever à l'envers. Hein? Il faut enlever le pantalon à l'envers. Ah oui, ok, donc, oui, je vois. Et du coup, moi j'ai dit, bah j'ai essayé de sortir le poirier, mais je tenais pas longtemps. Et la femme m'a regardé bizarrement, elle a pas totalement compris, un peu comme Terence. Et après. Comment elle peut faire le poirier et voilà. Avoir encore des mains pour enlever le pantalon. Voilà. Et après 5 minutes, elle a compris. Ça tombe. Voilà. Et après, bon, tu sais, vu comment il était serrant, et après 5 minutes, ouais. Bah, elle a compris. Et puis voilà. Ça quoi. Peut pas tomber, Thomas, si t'as déjà le pantalon sur toi. Oui, mais c'est dans l'idée. Parce que je vois bien faire le poirier en train de bouger les hanches, ça doit être assez particulier. Mais, oui. On va pas tous dans la même boîte, hein, Thomas. Non, il y a pas de souci. Un petit remix maintenant qu'on va s'écouter, c'est Heavy Cross. Vous connaissez tous de Gossip. Davy Crockett. On l'arrêtera jamais. Non, vous connaissez la musique. Enfin, oui. Voilà, c'est connu. Mais là, c'est le remix de Yezuluk. Je sais pas le prononcer. Non, mais à mon avis, le mec, quand on l'a appelé, quand il est né, en fait, la personne voilà. S'est stranglée. On va l'appeler. Oh, regarde ça, c'est bien. À la mairie, quand il a déclaré non, il a été ouais. Ça a fait. Non, mais je vais l'appeler Yezuluk. Voilà, c'est bien ça. Ah oui, donc j'ai bien noté, c'est Yezuluk. Okay. On garde les tâches à côté. Ok. Belle soirée, vous écoutez Jadoul. Vous êtes ici dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée. Non, attends, rattrapez-le, il est tant qu'il est dans le couloir. On a un micro sans fil. Monsieur. Non, vas-y. Le serveur. Le livreur de pizza. Va faire l'interview, on est en direct. Kylian part actuellement au duplex. Ah. Il fuit le micro. Attends, voilà, je l'allume. Non, c'est bon, normalement. Vas-y, parle. 1, 2, 2. Voilà, on t'entend, c'est bon. Ça va? Oui, très bien. Alors, on nous ramène à manger, mais c'est nickel, ça. Oui, je suis un peu essoufflé, désolé, mais... Mais qu'est-ce que c'est? J'ai couru pour que ça reste chaud jusqu'ici. Ah, c'est quoi? C'est des frites? Ce sont des frites, oh des ribs, des fricandelles. Je viens juste de sortir de table, j'avais pas vu assez qu'il a vu qu'il a couru, les frites ont bien refroidi. Il y en a plein partout dans la tout est un peu mélangé. Non, mais c'est gentil, on te remercie. Et ben, on va déguster ça. Mais avec plaisir, et bon appétit. Et bonne émission, merci, surtout. Et bonne émission. Merci. Allez, voilà, comme ça, c'est génial, on a mangé. Et donc, on est en plein milieu des anecdotes que l'on est en train de raconter. Mais avant, je vous souhaite quand même la bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 20h37, j'espère que vous passez une belle soirée, vous êtes bien installés. Et surtout, on va faire plein de choses dans cette émission. Peut-être qu'on va aller à l'extérieur, je sais pas. J'ai peut-être des idées qui vont venir comme ça durant la soirée. Ouais, parce que je suis là, ça sent les frites jusque dans leur voiture, je suis sûr. Belle soirée, c'est Jadoul. Et voici l'anecdote du jour. Donc, lui, il s'était barré. À chaque fois que je fais un bed, le mec se barre. À chaque fois, je pense que c'est la musique. Précise qui c'est. Oui. Donc, Terence, la prochaine fois que t'as un écart de concentration comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? L'étang. Bah attends qu'il se remplisse quoi. Non, tu rigoles ah ouais, quoi. Non. Hey. Il est vide. Bah, t'as parlé d'un écart, je peux faire le grand écart. Si voilà, à chaque fois que tu fais une connerie, tu feras le grand écart. Mais quoi que ça t'arrange parce non, que. Non, tu descends à chaque fois d'un échelon. Voilà. Je reste comme ça toute l'émission. Au pire. Allez, on va raconter certaines choses, mais surtout avant, contacter Alissa Noël, on va essayer de l'appeler en direct. Kylian ? Oui. C'est toi qui le fais. Donc, ah oui, mais j'ai pas le câble. Non, je vais le faire. Donc, il faut le brancher ici. Donc. vous êtes marrant, c'est à moi de tout faire. Bah, c'est qui gère la 1 hein? Ouais, bah, je suis. Ouais, j'avoue, c'est qui gère la 1 Alors, 1 voilà. La première. Toi, tu dois te rapprocher, moi, je peux pas me rapprocher. C'est la console qu'on déplace. Pas trop près des frites, à moi. C'est à nous. On n'y touche pas. Voilà. Mon précieux. Ouais, cool. Attends. Hop, voilà, je te réadapte ton micro en direct, comme ça on c'est fait bien en live. On m'entend Pierre. Toujours ? Oui. Oui, on t'entend ça bien. Ça marche. T'as ton casque qui fonctionne ? Mon casque fonctionne. Ah bah merci. Voilà, tu nous dis quand tu le lances. Hein. Je l'appelle. Lance. Dans 5 minutes, il n'y a plus de frites. Hein. Moi, j'ai ça, il l'appelle avec son téléphone privé, hein. C'est ça que tu dois savoir. Dont le numéro est. Attendez. Donc, ça sonne là ou pas ? Ouais, mets le son à fond chez toi. Je mets le haut-parleur. Ouais. Mets le son à fond. Oui. Non, pas le haut-parleur, mais mets le son à fond. Le son est à fond chez toi ? Ouais. Ah, tu vois, on entend. En fait, c'est un radar le truc. Vous l'entendez ? Ouais. Ouais, contact en cours, mais à mon avis, il est pas connecté. Ouais, non. Parce que je l'appelle avec le Wi-Fi, j'ai pas son numéro. Du coup. Sur Facebook, il n'y a pas le numéro. Tout ça, les... pour ça. Je vais regarder sur son profil. Continuer l'émission pendant ce temps-là. Moi, je fais mon petit okay, enquêteur. Je vais essayer de retrouver. Très bien, il n'y a pas de souci. Kylian, on devait vous parler d'un sujet particulier. C'était que hier, on a été se balader en ville avec Kylian. On a été manger un resto. D'ailleurs, c'était très bon. Oui. On a mangé quoi d'ailleurs c'était quoi qu'on Des pizzas. Une pizza, voilà. On a été dans une pizzeria. Et on se baladait. J'ai le numéro, je l'ai trouvé. Ok, dans quelques instants. Et alors, du coup, on se baladait tranquillement et à un moment on devait monter en haut de l'église. Comment elle s'appelle pour tous ceux qui. Saint-Donat à Arlon, en province de Luxembourg, en Belgique. Donc on voulait monter l'escalier pour aller jusqu'à l'église, en haut de l'église, pour avoir la vue sur toute la ville. Et alors on voulait monter par un escalier qui était plus court, mais je fais ah non, regarde là-bas. Là-bas, je vois, il y a trois jeunes. Dont Terence en faisait partie. qui ont l'air un peu louches, qui sont en train de fumer. On va essayer d'éviter de contourner. Alors, du coup, avec Terence, avec Kylian, on prend l'autre escalier. Et là, Kylian, il passe en premier. Qu'est-ce qu'il voit ? Bah, en fait, j'ai vu un gars qui était accroupi. Donc, dans un coin, donc ils étaient pas trois, il était tout seul, le mec, avec plein d'affaires partout. Et dans un grand silence. Voilà, et donc il était accroupi, il était en train de chier. On entendait juste ça. Et en fait, le mec, quand il nous a vus, on a coupé ton micro, c'est pas la peine. En fait, on était en train de le regarder. Et alors, Lucas, il s'est inquiété parce qu'il savait pas quoi faire. Il nous a vu arriver, il a pris tout ce qu'il y avait autour de lui pour se cacher. Voilà. Et nous, on est passé en mode. On rigole. Tout va bien, bonjour, ça va, monsieur, tranquille. On lui a serré la crotte. Et puis, mais alors, dans le plus grand des silences, nous, on se retenait de rire. Alors, du coup, ça faisait. Voilà. On se retraînait de rire. Alors c'était gênant, quoi. Ouais, extrêmement surtout gênant. Pour lui. Alors on arrive en haut, on éclate de rire, mais on savait qu'il nous entendait, le pauvre. Mais on avait tellement de gêne pour lui. Le pauvre, il chiait quand même sur une église. Oui, c'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Je trouve ça hyper. Malsain. Non, irrespectueux déjà pour les gens qui sont croyants, en plus de chier sur une église. Enfin, peut-être que lui, il est athée, mais je suis. T'avais pas dit que tu serais poli aujourd'hui. De quoi ? Bah. Ah, j'ai dit chier, mais vous l'avez tous les deux dit, hein. Kylian l'a dit, Kylian a dit chier. Et toi, mais moi j'ai pas dit, je serais pas poli. Voilà, on va pas la ramener, hein, mon petit gars. Excusez-moi, j'ai pas fait attention. C'est parce mais que je trouve ça vraiment irrespectueux, vraiment. Ok, très bien. Terence, tu peux essayer de recontacter Alice à Noël ? Ouais. On y va en j'ai direct. J'ai retrouvé son numéro, j'ai fait le petit enquêteur. On tente encore en direct. Le numéro que vous avez composé n'est pas mais elle se fout de moi. Ah ouais, donc c'est elle a mis ça sur Facebook en fait dans à propos d'eux et parce que t'as encore confiance à elle. Et ouais, elle. C'est... Ok, très bien. Donc le numéro n'est pas attribué. D'ici la fin de la soirée, on verra s'il y a moyen de la contacter. Mais au pire, on est bien là tous ensemble. Et d'ailleurs, on va vous parler de quelque chose dans quelques instants. Et si vous avez envie de réagir avec nous, qui connaît le numéro de téléphone par cœur, Terence ? Pas du tout. Kylian le connaît. Kylian le connaît, c'est quoi le numéro de téléphone de la radio ? Alors c'est plus 32 49 9 15 75. Ouais ! Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Allez, c'est parti, on va s'écouter un petit titre sur le temps qu'on se mette en place pour la suite. On va faire également l'objet du peuple. Quel est le principe de l'objet du peuple ? Raconter des conneries pour un chacun. Okay. C'est trouver en fait l'objet. Tu donnes des énigmes aux auditeurs. Ouais. Et on doit trouver avant eux. C'est ça. Donc je vous donne des indices et vous essayez de trouver pour essayer de braquer la grande caverne au cadeau de Jadoul où il y a encore plein de lots super intéressants cette semaine. On a déjà passé Bambola, donc maintenant c'est avec le temps de Louise Attaque. Qui connaît ici Louise Attaque ? Merci Terence. De rien. Portez encore des badges avec vos prénoms parce que je commence à vous confondre. Nous, on est deux. C'est justement ça le problème. Fatigue, je vous promets, j'ai pas dormi de la nuit, c'était une horreur. Allez, avec le temps, Louise Attaque. Ah d'accord, c'est déjà la fin de Louise Attaque, j'avais pas compris. En fait, tout le monde s'est barré du studio, ils ont tous faim, ils ont tous quelque chose, donc je me retrouve seul ici. Merci à eux, je sais pas s'ils m'entendent, mais en tout cas, ils m'ont bien laissé seul ici. Merci les gars. Je vais vous prouver qu'on peut vous faire gagner des magnifiques cadeaux dans cette émission grâce à notre séquence qui s'appelle la caverne au cadeau de Jadoul. C'est l'objet du peuple. J'espère que vous êtes prêts à jouer chez vous. Nous, en tout cas, on est prêts. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit ? Voyez-vous, on a l'antenne. c'est l'objet du peuple. Jadoul. Attention, le premier indice pour cet objet du peuple, notez-le bien chez vous et les chroniqueurs, j'espère que vous entendez bien ce premier indice. Encore une fois, il s'agit d'un objet qui peut tenir dans une boîte. J'espère que vous allez le trouver rapidement. Merci Kylian qui revient avec des boissons, c'est vraiment nickel. Kylian ? Oui ? Toi, tu es... est-ce que tu es au courant de l'objet du peuple de cette semaine ou pas ? Pas du tout. Toi, est-ce que tu es au courant de l'objet du peuple de cette semaine ou pas ? Non plus. Ok, très bien. Je vais vous... mettre au défi de trouver l'objet du peuple avant nos auditeurs. Premier indice. On me voit tous les jours. J'espère que vous allez trouver. On me voit tous les jours, c'est le premier indice. Ton pied. Qui voit mon pied tous les jours? Mais toi. Ah, moi, un pied. Ah, ok, humain. Non, c'est tout le monde le voit tous les jours. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un truc de la vie courante, genre une voiture, une maison, ah, des trucs comme voilà, ça. Voilà, donc c'est un truc qu'on voit tous les jours. Okay. J'espère que vous allez deviner. Là, c'est tellement vague qu'il y a tellement des milliers de possibilités que ça va être assez compliqué. Mais on affinera au fur et à mesure de l'émission. Voici la séquence tant attendue de cette semaine. C'est les news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et en parlant des news de la semaine, on parlait des grèves qu'il y a partout en France, c'est une horreur, il y en a dans tous les sens. Dans quelques instants, on fera le jeu des 5 mots, ils ont été préparés par quelqu'un qui est avec nous dans le studio, on vous le présentera dans quelques instants. Mais il y a des grèves, est-ce que quelqu'un a été victime des grèves ici dans le studio? En Belgique, je pense qu'on a tous été victimes des grèves. Avec tout ce qui allait. Tu rigoles ou quoi? Avec les... Demande à la SNCB s'il y a beaucoup de grèves. Regarde un petit peu tous les trains qui passent pas et tout, tu verras. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup ici quand même en Belgique. Tu trouves qu'il y en a beaucoup toi Kylian? Bah il y en a mais c'est juste... C'est la première fois que j'entends ça, moi j'ai toujours entendu le contraire, pardon, excusez-moi. Bah, en fait il y en a mais j'ai l'impression que ça tombe jamais sur nous. Voilà c'est ça, donc il y en a partout sauf moi je peux t'assurer ça tombe toujours sur moi. Ah bon? En fait dès qu'il y a de la neige ou un peu de pluie... Toi c'est vendredi 13, voilà. Non moi c'est surtout un petit village paumé, c'est genre Marly-Gaumont belge quoi. Ah oui ok. Pas sans indiscrétion. Zélange. Oui. Je ne connais même pas. Un bus à 8h, un bus à 16h, c'est tout. Alors, moi, je vais vous raconter une petite galère. Après, chacun à votre tour, vous raconterez une petite galère. Préparez-la. Moi, j'étais à Paris et je voulais absolument... Je suis en train de manger en même temps. Je voulais absolument retourner donc en TGV avec le TGV qui était réservé depuis un mois ou deux. Et... à cause d'un métro qui a pris trop de temps pour venir, on a loupé le TGV, mais on était sur le quai, on l'a vu partir le TGV. On était ultra énervé et alors du coup on a dû repayer deux billets plein pot. On en a eu pour environ 400 euros de billets TGV tellement que les prix sont aléatoires. On va pas refaire le débat de si c'est abusé ou pas les prix des TGV, mais par exemple c'est un ordinateur donc qui calcule tout ça. À cause des grèves, un ordinateur de la SNCF a calculé que pour faire un petit voyage dans le nord d'une ville du nord vers une autre ville du nord, il fallait passer par Londres. Quoi ? Oui, c'est pas une vanne. Donc, tu rigoles ou quoi ? Non, je rigole pas. Donc, du coup, le prix du billet était à 500 euros pour faire d'une ville à une autre. C'est comme si toi... Mais tu vas à pied. C'est comme si toi t'allais de Bruxelles à Liège. C'est un truc de malade. Bruxelles-Liège, c'est 6,50 euros. Mais c'est quoi leur problème? C'était l'ordinateur qui a calculé ça comme ça. Donc voilà, s'il y en a qui sont tombés dans le panneau, dommage pour eux. Vous rencontrez votre grosse... un jour, si vous avez eu un gros souci dans votre vie, en termes d'organisation ou quoi. Et on fera une petite anecdote comme ça. T'en as une, Kylian? Pas directement, mais je vais en retrouver une. Pas de souci. On fera ça dans quelques instants. D'ailleurs, l'autre jour, je descendais du train, je revenais de Bruxelles, et j'entends en pleine gare, et je vous jure que c'est vrai, en gare d'Arlon... Le loup, le renard et la belette. Non, j'entends... Veuillez dégager la bordure du quai. Voie 3, le train à destination d'Arlon va bientôt arriver. Les premiers voyageurs à destination d'Arlon sont priés d'embarquer. Le truc le plus illogique au monde. Donc, c'est-à-dire que le train est annoncé pour la ville en elle-même, à destination de la ville en elle-même. Donc, le truc complètement illogique. Enfin, voilà. Je pense que Terence s'occupe des annonces maintenant. L'antenne a été prise en otage. Non, je plaisante. En fait, on a eu un petit problème technique. Là, l'ordinateur de diffusion qui prend la main sur l'antenne a décidé de ne pas coopérer. Donc là, j'ai mon téléphone avec l'RFM en direct. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça fonctionne, effectivement. Il y a un petit décalage. Ça fonctionne. Parfait. J'espère en tout cas que vous n'avez pas décroché pour autant. Nous sommes en direct. J'espère que vous allez bien. Et on reprend cette émission comme ça devrait l'être en principe. Voici Terence Bernard avec nous. Ça va? Je vais t'allumer ton micro, c'est encore mieux, tiens. Salut à tous. Voilà, on l'a. Et Kylian Wolfring est là avec nous. Eh oui, comme d'habitude. C'est parfait. Là, l'équipe est au complet. Nous allons maintenant sur l'équipe est au cas. Putain, c'est, je pensais qu'il allait dire ça, quoi. L'autoroute est au complet. Non, l'autoroute... Qu'est-ce que j'ai dit? Des conneries. Tu m'as fait déconcentrer. Nous sommes partis sur l'autoroute de la bonne humeur. Nous sommes partis maintenant pour faire correctement, comme il se doit, la séquence qu'on a entamée tout à l'heure. On y arrive progressivement, mais on y arrive. C'est ça qui est très important. Mais cette émission, je vous le dis à chaque fois, on ne sait pas où on va, mais... C'est très incertain et assez flou. je ne lâcherai jamais. Oh là là. Je plaisante, mais... Cela dit, je le reconnais, je l'ai déjà dit la semaine passée, mais je le répète, je me moquais souvent de Terence, mais après avoir discuté avec lui une fois par Snap, j'avoue, c'est un grand sportif. Est-ce que tu peux nous rappeler le nombre de sports que tu fais par semaine? De la danse, bon, cette année, je ne me suis pas réinscrit, mais donc l'année passée, je faisais donc trois fois deux heures de danse par semaine. Plus tu deux fois deux heures de foot. Et maintenant, je vais me mettre aussi à l'escalade, donc deux fois une heure d'escalade en plus, plus toutes les fois où je vais à la muscu et où je vais courir. Donc, musculation, carrément. Ouais, j'essaie d'aller le plus possible. Oui. Bon, là, j'y ai plus été depuis une semaine et demie, donc ne regarde pas. Mais normalement, en une semaine et demie, tu te perds pas. Hein, je t'assure que si, moi si, parce qu'en fait, je viens d'apprendre ça il y a pas longtemps. Enfin, je le savais, mais il y avait des qui disaient que c'était vrai, des qui disaient que c'était faux. Et en fait, il faut travailler maximum de muscles par séance. Si tu travailles tout d'un coup, en fait, ton muscle, il a pas le temps de se reposer. Du coup, tu le perds après, même pas. Si tu fais plus de muscu pendant un ou deux jours, tu perds tout. Et moi, je travaille toujours tout d'un coup. Ah, donc, si j'arrête la muscu en fait deux jours, je perds tout. Mais le pire, c'est que je te reconnais tellement dans ce genre de truc. Donc, tu le fais à fond pendant un moment et après, t'arrêtes du jour au lendemain. Non, c'est pas ça. Non. Je fais à fond tout. Mais ouais. Donc, je fais ça tous les jours. Je travaille tous les jours. Mais si un jour, je peux pas aller à la muscu, je perds tout, quoi. Ah ouais, honnêtement, t'as la chance que ton corps y suit parce que moi, mon âge. Non, c'est vrai, parce que il faut avoir la condition physique, parce que tu vas faire du jour au lendemain passer à un effort physique intense, tu vas tout travailler absolument. Ah, j'ai pas tout fait ça tout d'un coup, hein, au départ. Ouais, ça va alors, parce que ça aurait quand même eu du mal à suivre. D'ailleurs, en parlant de sport, je sais que c'était un grand sportif au niveau du foot, Kylian. Qui ça? À moi? Oui, toi. Ah, oui. Dans le passé, et maintenant, t'en es où le foot? Ah, c'est le... Il en a rien à foutre. Voilà. Voilà, c'est plutôt... J'aurais pas mieux dit. Non, donc c'est fini, tu as arrêté. J'ai arrêté, oui. Et sinon, tu fais un autre sport? Ouais, je peux reprendre. Ouais, oui. La branlette. La roubie. La roubie. Et la branlette. D'accord. Mon Dieu. Et la radio. Il y a des choses qui... Et moi, je l'ai dit moins fort. Moi, j'ai commencé à dire la branle. Et puis, en fait, toi, t'as terminé. Ouais. Je regardais Thomas qui me regardait non, comme ça. Et avec la branlette. Non, j'ai dit la branle. Enfin, bref. Oui, bon. On a compris. Je pense que on peut faire notre petit point objet du peuple. Comme ça, on réenchaîne là-dessus. On refait un nouvel indice pour essayer de tenter de deviner ce que c'est. Envoyez vos messages plus 32 49 95 75. C'est parti. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? C'est l'objet du peuple. Ça y est! Voici un deuxième indice pour l'objet du peuple. Je vous propose, après le premier indice qui était Kylian... On le voit partout. Non, on le voit partout. On le voit partout. On le voit partout. J'allais le donner. J'instaure le suspense. Si vous ne voulez pas un peu de suspense, on peut revenir en normal. Voilà, avec un bed. Non, le deuxième indice est, attention, ouvrez bien vos oreilles. Je peux changer de couleur. Kylian, c'est marrant parce que j'ai dit ouvrez bien vos oreilles, il a collé son oreille contre le micro. Le son ne sort pas du micro. Si. Oui. C'est comme... Moi j'arrive à le faire ça. Ah oui. C'est comme la vidéo du vieux, je sais pas si vous aviez déjà vu, où est-ce qu'on lui tend un micro en rue pour savoir, pour qu'il écoute en disant sa femme et il écoute dans le micro. Ah, j'ai pas c'est vu. Excellent. Ouais. Anecdote de Kylian, alerte. Qu'est-ce que t'as fait avec le micro? Non, c'est à toi à expliquer parce que c'est toi qui m'as vu faire. Ah oui, en fait, en gros, il était là, il allume sa chaîne Hi-Fi, et alors il fait, bon, alors je peux peut-être brancher un micro là-dessus, je regarde, tiens, il y a un gros jack, là c'est parfait, je branche mon jack, il met de la musique en route, on entendait le son dans le micro, ça faisait vibrer la membrane du micro. Sérieux? C'était comment c'est possible d'entendre du son qui vient d'un micro, c'est pas un... Alors, si t'essaies avec les micros ici, Non, oui, non, mais c'est pas possible. Ouais, bah si, c'est possible, c'est une membrane. Hein. Un haut-parleur, c'est une membrane. Ouais. Et la jeune fille, je peux le dire, elle était puissante puisqu'on a réussi à exploser des haut-parleurs avec. Donc, oui. Ils sont toujours explosés. On a fait plein de trucs. Et vous entendiez vraiment la musique ou vous entendiez juste des vibrations qui faisaient. Non, on entendait. Enfin, on entendait pas à fond, au fond. Mais c'est excellent. Bah, on entendait la musique en fond de micro, quoi. Ouais, genre. Donc, en gros, il y a des haut-parleurs dans le micro. Enfin, bah, ouais, non. Des membranes. Ouais, c'est le même principe, sauf que là, on trop fait... compliqué. Pour... Non, mais je comprends. Le point scientifique. Mais... Non, je vous explique. En gros, non, vous. C'est Jamy. C'est Jamy. C'est une imitation de Jamy. Non. C'est Jamy, il parle pas comme ça, Jamy. Non. Ça, c'est. Allez, comment il s'appelle lui C'est lui qui vient. Qui parle comme ça, là. Là, ça va, c'est toujours mon parrain. C'est quelqu'un de sa famille, son parrain, il limite super bien. Ça donne quoi ton parrain qui te dit bonjour? Salut Kylian. C'est vraiment ça. Non, mais plus sincèrement, le Jamy de C'est pas sorcier, je ne sais même plus comment il avait sa voix là. Attends, c'était comment déjà? Ah si, mais il parlait juste très lentement. Donc c'est-à-dire qu'il expliquait tout comme ça. Donc vous prenez ceci pour faire cela. Donc il était tout en train de tout expliquer ce qu'il faisait. Ouais, il fait toujours des pauses. Comme ça, et puis, ouais, comme t'as fait là. Merci, ouais. Terence. Non, mais Terence, c'est quelqu'un de génial, sauf que, comme à un moment il peut parler très fort, comme à un moment il peut parler très bas, moi je dois m'adapter au niveau du micro. Alors, du coup, voilà, ça me fait un peu de sport, mais ça me fait pas plus mal, étant donné que je fais pas de sport en dehors de la radio. Mais en tout cas, c'est un sport la radio, vous pouvez pas vous imaginer. Ouais. D'ailleurs, en parlant de sport, toujours pas envie d'aller dehors, on a toujours un micro sans fil, hein, tu sais. Non. Il va nous faire un point météo à l'extérieur. Bien, je vous ai donné l'indice. Non. Ah si, tu... non, oui, si, tu l'as dit. Okay. Répète-le, s'il te plaît, parce que. Mais l'oublier, c'est pour ça qu'il demande. Ça peut, ça se voit partout et ça peut aller dehors, c'est ça? C'est quoi? Ah, c'était pas du tout ça. Non, c'est un truc. Ah oui, ça change de couleur. Ça change de couleur. Un feu rouge. Voilà. Vous êtes bon? J'ai trouvé? Ouais, je suis sûr que c'est ça. Hein? C'est quoi? Un feu rouge. Un feu rouge? Non, pas du tout. Non? Non, vraiment pas. Un feu. Oh merde. Un téléphone? Non, une lumière non plus. Un téléphone? En voulant montrer la lumière, Kylian a donné un grand coup de main dans le micro. Un smartphone. Ouais. Un smartphone, un écran. Un smartphone, non. Une télévision. C'est pas du tout technologique. Je n'en dis pas plus. À vous de trouver. Plus 32 49 9 15 75. Et également, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de nous laisser vos messages. Oui? C'est pas moi qui a parlé, c'était Mathias. Ah ouais. Pour une fois. Ouais, je pensais qu'on me parlait, donc moi avec le casque j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, allez-y, discutez hors antenne, je vous en prie. Kylian, je pense qu'on devait expliquer un petit peu ce qui nous est arrivé en termes d'anecdotes. Et j'en avais noté une sur mon bloc-notes. On parlait de la jalousie tout à l'heure. D'ailleurs, on a écouté le titre menteur il y a quelques secondes. On écoutait le titre menteur car on va parler maintenant du mensonge. Est-ce que vous avez déjà menti ou est-ce que vous avez été victime d'un mensonge quelque part ou une fois? Bah, avec Thomas, on a l'habitude. Ouais, c'est sûr. Non, mais un complot à deux, je parle. Un complot à deux. Quoi qu'il m'a certainement menti aussi, mais. Bah oui, on a déjà menti combien de fois? Tout le monde. Moi, j'ai une anecdote. Ah non, parce que c'est avec Mathias et c'était. Non, je peux pas la dire celle-là. Mathias, toi qui es présent. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut la. Parce qu'en fait, on l'a dans le studio. Est-ce qu'une fois, Terence t'a déjà menti? Ah oui. Attends, laisse-le parler un petit peu. Effectivement, je pense qu'il m'a déjà menti. Ah, est-ce que tu penses avoir l'anecdote là sous la main et pouvoir nous la raconter? Avec les sorcières dans le jardin. Ah oui, ça, c'est une grosse anecdote. Tu veux que je la raconte? Raconte-la. Bah, quand on était petit, j'avais menti en fait. Il faut quand même qu'on ait un bed qui peut souligner quand même ce que vous allez nous raconter. Donc, vous étiez petit. Et donc, Mathias étant petit et moi également, mais Mathias étant moins mature que moi à cet âge-là, également ma petite sœur, sa cousine. Oula, c'était quoi ça? Sa cousine et son neveu. Donc j'ai fait croire à trois personnes que au fond de mon jardin j'avais un Narnia, une espèce de Terabithia où est-ce qu'il y avait des bonhommes de terre qui parlaient, des arbres qui parlaient, des sorcières aussi, et que si jamais, excusez-moi, ça a un petit peu ça a saturé. Des sorcières également qui volaient, et que si jamais il allait répéter ça aux parents, en fait, les sorcières allaient venir tuer les parents. Et donc Mathias, il dormait plus. Il faisait des nuits blanches. Et sa mère, elle est venue une fois dans sa chambre et lui a dit: mais Mathias, je vois très bien que t'es pas bien, explique-moi qu'est-ce qui se passe, je vois que t'es stressé, t'as les cernes sur les yeux. Il dit: non, je peux pas te le dire, sinon tu vas mourir. Et puis elle dit: non, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est encore Terence qui t'a fait une blague? C'est encore Terence qui t'a fait une blague? Et là, il lui a expliqué, elle a commencé à rigoler de fou. Ils ont tous cru à mon histoire, hein, et moi je m'amusais, hein, je leur racontais même n'importe la mère, quoi. Elle s'est foutue de sa gueule. Chaque fois qu'ils venaient, je les emmenais voir le bonhomme de terre. Ouais. Donc en fait, juste si on peut couper ça. t'as juste traumatisé un enfant. Ouais, mais oui, j'avais l'air très naïf. Mais en sachant que en sachant qu'il dit que son cousin était moins mature. Alors là il faut peut-être tourner l'autre sens de cette phrase. Alors, je dirais pas moins mature, mais j'irais franchement très naïf. Ouais. Bah, c'est normal, les enfants ils le sont, mais. Oui, mais on était tous les deux enfants, mais bon, disons que Mathias a longtemps. Toi, t'étais enfant jusqu'à 17 ans, donc. Ben, Mathias a longtemps aussi, Mathias aussi a longtemps. Et longtemps, c'est un. À cette époque-là, il était fort décalé, tu vois, déjà. Et puis, alors qu'il est déjà plus vieux que moi, mais bon, dans sa tête à cette époque-là, il était déjà moins mature. T'es plus âgé que Terrence ? Mm-hmm. Et puis, vu que c'est moi qui raconte. Non, c'est une blague ! Non, vraiment... je vais sur mes 17 ans. Et arrête ! Mais arrêtez de rire, et il a grandi de fou. Avant, on dirait qu'il avait 12 ans. Maman. Et là, on demande. Et là, maintenant, il a une voix de bonhomme. Enfin, il commence à muer. Mais je t'assure qu'il y a deux mois, il avait une voix d'enfant. Quand tu l'entends, t'avais l'impression que c'était un enfant de 8 ans. Certes, physiquement, il paraît plus jeune que mais toi. Oui, largement. Mais je me suis dit, première chose que je me suis dit, quand il est rentré dans le studio, je me suis dit, putain, il est peut-être plus jeune, mais il est tellement plus calme et plus posé. Et alors, et en fait, il est juste plus âgé que toi. Mais je savais pas, mais c'est chouette, c'est sympa. Il a rien compris. Si j'ai écouté, mais bien sûr que si. Mais oui, Mathias a toujours été. Mais là, je t'assure, franchement, tu serais choqué. Tu l'aurais vu il y a deux mois. Il avait un bon 10 cm en moins. Il avait une voix d'enfant de 8 ans. Et quand on le regardait, mais je veux pas être méchant, j'avais l'impression qu'il avait 12 ans. Et là maintenant, il fait son âge de plus en plus. Ce que Terence est en train de dire maintenant, c'est qu'il a, enfin, au début, il fermait sa gueule quand il était encore petit. Il avait une voix dégueulasse. Mais maintenant qu'il a grandi, il peut le balancer. Je retiens. Tu l'as toujours su, Mathias. Non, mais c'est bizarre. On dirait vraiment que t'es plus petit. En soi, oui, mais pas plus en âge. En soi, c'est pas du tout un complexe, étant donné que moi, je connais des gens, sans déconner, comme la croissance va jusqu'à 21 ans, 22 ans parfois, voire même 25 ans pour certains cas extrêmes. Je connais quelqu'un qui avait 22 ans, il paraissait encore genre 12 ans, et du jour au lendemain, hop, poussée de croissance, il a tout de suite mûri d'un coup du jour au lendemain et ça je trouvais ça quand même assez impressionnant. C'est peut-être chacun trouve son rythme à son. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. C'est ça, voilà. C'est souvent comme ça. Toi aussi t'avais une voix aiguë quand t'étais petit. Bah oui, j'avais vu la vidéo. Oui, mais j'ai vu la vidéo. Fort aiguë. Ouais. Mais bon, très aiguë. Franchement, ma copine en fait quand il a vu Mathias, il était en 3e primaire et elle me disait mais il est en 6e primaire, il est en combien primaire? Je dis mais il est en 3e rénové. Elle me croyait pas, je t'assure, j'ai dû lui montrer ça. Je pense que t'avais dû lui montrer la carte de bus. Pour lui faire la carte d'identité. Tu m'as fait peur, la carte d'identité pour j'ai lui prouver. J'ai dû montrer ça. Bon, d'accord. Moi, ma carte d'identité, je l'ai changée il y a en décembre 2017. Mais jusque là, sur ma carte d'identité, j'avais encore les cheveux longs. Ouais, j'ai vu les anciennes vidéos, les vieilles vidéos avec Kylian Le Vrai. Ouais, bah alors là. Et ça t'allait bien, hein, franchement. Ça t'allait bien. Ouais, mais à l'époque c'était la mode. Mais ouais, à l'époque. Il savait pas quoi faire en fait, avec ses cheveux. Il savait pas quoi faire. Il savait pas s'il voulait les couper ou pas. Moi je t'avais demandé de les couper, enfin je t'avais proposé de les couper. Alors non, en fait j'avais les cheveux longs, comme ça voilà, j'avais essayé et j'ai gardé ça durant 3-4 ans. Et après je me suis dit bon bah. Ouais. Peut-être changer. Alors du coup, j'ai vu à la télévision quelqu'un qui avait les cheveux courts. Il en avait jamais vu. Il avait des lunettes. Il s'appelait Kylian Le Vrai, je crois. Non, mais c'était entre court et long. Et donc je me suis dit, je vais tester ça. Alors après, j'ai eu une période où disons que les cheveux ont fait ce qu'ils ont voulu. Mais voilà. Mais Kylian est en train de traverser cette période-là parce qu'il veut faire une coiffure. Mais le problème, c'est que son type de cheveux n'est pas adapté à la coiffure qu'il veut faire. Ta gueule. Quoi ? Tu veux faire quoi ? J'ai rien dit, tu veux faire quoi comme type de ? Bah rien. Je laisse pousser. Mais là, honnêtement, ça va. Franchement, je vais aller chez le coiffeur, trop de balles. Ah bah voilà, tous les jours il faut aller chez le coiffeur, c'est ça l'idée. Et franchement, Mathias, c'est classe, c'est un petit peu dans l'idée de Terence. Mais c'est moi qui l'ai recopié en fait, ça fait longtemps. Bah oui, il est plus âgé. La coiffure qu'il a, ça te fait pas penser à quelqu'un. Attends, il faut que ça. Leonardo DiCaprio. Non, allez, comment il s'appelle? Brad Pitt. J'ai rien dit. Kurt Cobain. Ouais, Kurt Cobain, bien sûr. Vous êtes dans Jadoul sur Ilar FM. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Et donc dans cette émission, on va encore avoir plein de choses, notamment la suite de la question de la semaine, les grèves, est-ce que ça vous touche? Vous réagissez avec nous par SMS. Et est-ce que toi, tu sais qu'il y a des gens de ton entourage ou de ta famille ou de tes amis qui écoutent l'émission? Bah oui, oui, beaucoup. Mon c'est père, tous les jours. Mon père, tous les jours. À chaque fois qu'il y a l'émission, il écoute. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Bah oui, à chaque fois. Ah bah je le salue. Tout le temps. Et... il dort dans la voiture. Ouais, en fait, c'est parce que le générique de fin le réveille. Donc comme ça, il sait quand venir chercher Terence. C'est d'ailleurs lui qui a signalé que ça avait coupé. Parce qu'en fait, nous, on parlait, on se rendait même pas compte que ça avait coupé. C'est lui qui m'a envoyé un message, attention, ça coupe. Et donc on a repris. Mais alors le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il entendra le générique de fin quelque part, même si c'est plus dans l'émission, il se réveillera. Donc en pleine nuit, s'il entend... il pensera que ce sera le. Je vais venir le réveiller comme ça. Voilà. C'est cool. Enfin, moi j'adore le générique de fin, je sais pas pourquoi. Je suis assez fan. Du coup, tu m'insultes depuis le début, mais il y a mon père qui t'écoute, fais gaffe. Je ne t'insulte pas, je te charrie. Tu me ridiculises quand même. Si pas ton mal. Père te ramène chaque semaine, c'est que. Il y tient. Hein. Ouais, si te ramène à chaque fois au studio, c'est qu'il il approuve. Merci, non, monsieur, merci. Merci. Non, mais honnêtement. Honnêtement, Kylian me connaît depuis très longtemps. Si je charrie autant, c'est que j'aime bien. Qui aime bien, châtie bien. Voilà, exactement. Une objection ? Bah, je vais dire oui, hein, mais. Allez, l'émission est loin d'être terminée. On va encore savourer les derniers. Mais non, c'est pas le générique de fin, je fais une nappe comme ça. Parce que mais son père s'est réveillé, il a envoyé un message. Vous êtes dans Jadoul, bonne soirée. Et tout de suite, voici Mort d'Indochine. Vous êtes toujours dans Jadoul, j'espère que vous passez une belle soirée. En tout cas, nous on est là, on ne vous lâche pas. Et c'était encore Indochine, je sais pas pourquoi on a eu deux fois Indochine ce soir dans la programmation. Comme quoi c'est le hasard qui fait ça, ou tout simplement un problème de réglage. Bien, nous sommes toujours en compagnie de chroniqueurs. Et on parlait en fait hors antenne. Et nous sommes toujours en compagnie de Kylian Wolfring et Terence Bernard. Ainsi oui. que de Maxime Mathias. Je suis désolé, c'est non, pas grave. À la fin de l'émission, il connaîtra quand même pas ton nom, hein. Nous, il s'est trompé encore alors, tout à l'heure, alors que ça fait deux mois qu'on bosse ici. Ouais, et c'est surtout que ça fait 4 ans qu'on se connaît. Mais comment ? C'est juste que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et j'ai remarqué qu'il a un petit accent de Luxembourg. Et je suis fan des accents et voilà, j'étais juste en passion de ça. Donc, Luxembourgville, c'est. Luxembourgville. Luxembourgville. Ouais. Mais là, il le force un peu, mais il arrive à avoir l'accent, mais parfois sans le faire exprès, et ça me fait beaucoup rire. Alors, Toxic René, comment tu fais? Ouais, pour ceux qui sont en France et qui ne connaissent pas Toxic René. Parce que je suis allemand. Hein. Bah, allez voir sur YouTube. Tu es allemand? Hein. Ouais, je suis allemand. C'est vrai? Originaire d'où? Allemagne. En fait, je suis né au Luxembourgville, mais mon père est allemand. Vous avez entendu? Luxembourgville. Luxembourg. J'arrive pas à le faire, mais j'adore. Luxembourg. Je suis fan. Mais Terence a un accent belge, lui il a un accent luxembourgeois. Et moi j'ai un accent de merde. Non, moi j'ai pas un accent belge, je te dis, j'ai un accent de moi. Oui, y a personne, un accent de moi. Personne a mon accent. Oui. Et il y en a plein qui disent, mais je sais pas d'où vient ton accent. Bah, nous non plus. T'es originaire de quoi? Bah, de Harlon, c'est un accent terrancien. C'est un accent. Très ancien, pas terrancien. C'est un accent. C'est très incertain et assez flou. Oui, on doit le cerner, on doit y arriver peut-être bientôt. C'est vrai que si je pouvais en vivre, bah, ce serait magnifique, ce serait énorme, oui. Ouais, ce serait énorme. Tu vois, tu roules un peu les airs comme ça. Ce serait énorme. Mais en voyant tes snaps, j'ai remarqué que ta famille un peu aussi. Donc c'est sûrement le contexte familial qui fait que ça. Non, franchement, non, ma sœur, non, pas du tout. Justement, dans ma famille, je suis le seul à avoir cet accent. Mon père a un accent. On est originaire de Mons, donc mes parents ont peut-être un accent montois. Tout s'explique. Mais non, moi, ma sœur, elle a un accent peut-être belge ou normal, mais je suis le seul à avoir cet accent-là. Je sais pas d'où ça vient. Parce que même dans le R de Terence, j'entends des membres de ta famille t'appeler, ça fait Terence avec le R bien prononcé, mais j'arrive vraiment pas à l'imiter. Autant je suis fort pour les repérer, mais pour les imiter, ouais. je suis pas. Mais en fait, peut-être que j'articule pas. Aussi, mais ça c'est le problème général dans cette radio. Donc ça ne nous choque pas. Mais tu vois, je suis pas d'accord avec toi. Moi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, moi j'articule toujours. 18h. Amen. Une heure FM. C'est une heure. 20h, 22h. Bien, on va maintenant juste raconter ce qu'on racontait hors antenne. Kylian nous a raconté son anecdote du Brésil quand il jouait à la Coupe du Monde. Effectivement, et avec Ronaldo et Ronaldinho. D'accord, merci. Donc, si on peut revenir juste dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Kylian était dans la Coupe du Monde, à fond impliqué dans les matchs, dans la coupe. Brésil. Et donc, tu voulais être dans l'ambiance. Tu sais, les gens ils te voient pas donc. Ah, ouais. Ah non mais j'ai même pas compris en fait. T'étais mais raconte ton truc avec les voilà, cheveux rouges. Raconte. Ah oui. Oh, bah, oh il vient de décrocher. Alors oui je viens de décrocher, j'avais mon téléphone posé là. Oui donc en fait j'avais fait les cheveux rouges pour l'Euro 2016. Ouais. Avec les Diables Rouges qui étaient arrivés en 2014. Voilà, 2014. Ouais, ok, oui. Oui, Louis XIV. Écoutez, tout... j'ai la musique sous les yeux. L'Euro, c'est tout. Merci. 2014. Donc, tous les deux ans, c'est l'Euro et tous les quatre ans, c'est la Coupe du Monde. Oui. Donc là, c'est la Coupe du Monde. Voilà. Et donc, j'avais fait les cheveux rouges pour supporter les Diables Rouges. Oui, les Diables Cheveux Rouges. Et donc, bah voilà, j'avais fait les cheveux rouges et j'étais sur une place pour les supporter et tout ça. Donc c'était Arlon. Avec écran géant et tout. Avec écran géant et tout, voilà. Et donc, le jour où j'ai fait les cheveux rouges, la Belgique a été éliminée. Voilà. La chance. Voilà la réaction que les gens ont eue. Merci Thomas. Et donc, je me suis retrouvé comme un con, comme un petit chou rouge. Voilà. Parmi des millions, tu vois. Alors, il avait fait une espèce. Vous voyez, il a pas fait de dégradé, donc c'était vraiment la touffe au-dessus et court sur les côtés. Bah, pour dire que ça a été loin, un de mes cousins m'a carrément appelé le tampon hygiénique. Hein, Voilà, voilà. Oh non. Oui. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Hein. Exactement. Pardon ? Comme quoi le hasard fait bien les choses. Effectivement. Voilà, c'est Maxime. Mathias. Non, de voilà. Crosshomme, hein, mon frère. Je me suis trompé, donc c'est en voie de progression, je retire le prénom. Mais c'est vrai que c'est con. Alors pour. Merci. Le mec qui m'entend, c'est vrai que c'est con. Mais tu veux que je dise quoi? Merci mille. Et alors pour réparer ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait les. Bah j'ai refait. En fait, on devait faire les vidéos Kylian Levray qui étaient diffusées sur TMS. Oui. Et donc j'ai dû faire une colo rapidement. Par-dessus. Par-dessus la colo rouge. Du coup, j'avais les cheveux bruns plus le rouge, ça fait un roux, voilà. Un roux. Garfield. Et donc. Et qu'est-ce que ta mère, elle te disait? Non, ça, c'était quand j'avais encore les cheveux rouges. Hein. Ouais, mais raconte en ça fait, parce que c'était excellent. Ok, bah, le mec, il continue à se foutre de ma gueule jusqu'au bout en plus. Non, donc, ouais. Donc, ça, c'était quand j'étais en vacances à Narbonne. Donc, quand je me baladais tout ça à Narbonne, bah, on se fout. Enfin, les gens me regardaient, me dévisageaient, tout ça. Et du toujours coup. Maintenant. Merci bien. Je ris. Et donc. Enfin, il rit à moitié. Et donc. Ma mère, une fois quand j'ai dit que je voulais sortir, ma mère, une fois quand je voulais sortir, elle m'a dit non, ne sors pas, on va te prendre pour un homosexuel. Oui, voilà. Un homosexuel, oui. Et donc, tu risques de te faire frapper. C'est un cliché, évidemment. Hein. Voilà, c'était un cliché. Tu risques de te faire frapper, ne sors pas. C'est surtout qu'elle avait vu que les gens me dévisageaient, donc c'est plus par protection. Effectivement. Et moi, par honte. Ouais. Merci. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat, mais il y en a, franchement, qui assument. Parce que tu te dis, oui, Kylian avec. J'assume. Sa petite, les cheveux. Sa petite mèche rouge. Bon, c'est pas trop grave quand on voit qu'il y en a qui ont le choix et qu'on respecte évidemment, qui s'habillent en gothique ou quoi. Eh ben, eux aussi ils doivent assumer. C'est toi qui bip, Terence? Non. Ah, ma montre aussi pour dire qu'il est. Ouais, okay. Oui, ça, on s'en doute bien que c'était ta montre. Toi, tu peux pas biper. Mais... Toi, techniquement, tu peux pas biper. Ouais. Enfin, on sait pas. Tu es capable de tout, Terence. Et donc, c'est vrai que, bon, assumer les cheveux, mais. Je comprends la réaction des gens qui ah oui, dévisagent oui, un peu. Oui. Bah merci. Bah moi je comprends pas. Il me fait penser que c'était un peu de fidélisation. Non, moi je comprends pas. Pourquoi dévisager quelqu'un? Il a les cheveux rouges et il y en a des qui ont les cheveux jaunes. Enfin, je veux dire, c'est son choix. Il s'est fait une teinture. Voilà. Moi je regarde le mec, je me dis, tiens, il a fait une teinture. Ah, je me dis pas, tiens, c'est bizarre. Il y a plein de gens qui sont fermés d'esprit, donc c'est sûr que ça peut choquer. Puis c'était pour le foot, enfin c'était pour une occasion particulière. Bon, ça les gens ne le savaient pas. S'il va dans un autre pays qui est pas trop au courant de la Coupe du Monde, même si c'est mondial, ils vont être un petit peu. Ah, j'étais en France. Ok. Ah, ça va. En ce moment, dans mon école, il y a énormément de gens qui commencent à se faire des teintures bleues, des teintures vertes. Ah en fait, ouais, c'est des mais c'est des paris. C'est des paris. Je vais dire. Chaque fois, c'est des paris qu'ils perdent et du coup, ils doivent se teindre les cheveux en vert ou en bleu. Et... Mais même, je veux dire un truc encore, c'est que dans l'école où tu me parles, où ils font ça, ils se rasent tous. Le directeur. Ah oui, ça, j'ai vu aussi. Attends, je vais le comprendre. Il y a Shakira en fond. Oui, il y a Shakira en fond. Le directeur de l'école, là où Terence dit que c'est surtout des filles qui se font les cheveux bleus et les cheveux mauves et tout ça. Oui, mais non, Rose. Mais ça c'est une mode. Non, mais je te parle Oui, mais ce que je veux dire en gros, c'est que il y a eu cette problématique-là à l'école, c'est que le directeur a interdit ça. Avait interdit, et du coup, il y a des filles qui ont fait exprès de se colorer les cheveux pour être contre ça. Ah, mais c'est trop stylé, c'est trop bien. C'est ça. Révolution. Donc, c'est chez les cours. Non. En gros, le directeur a interdit aux filles de se teindre les cheveux en bleu et les filles qui, ou en vert ou en la couleur qu'elles voulaient. Ouais. Et les filles qui trouvaient ça injuste, qui avaient les cheveux à la base bruns comme tout le monde, elles pour révolutionner ça, pour montrer qu'elles n'étaient pas d'accord, elles ont fait exprès de se teindre les cheveux en rose pour provoquer un peu le directeur. Je trouve ça franchement. Après l'urbanisme des bâtiments, il y a l'urbanisme des cheveux maintenant. Et quelles sont les couleurs autorisées? Mais il a dit clairement à une fille, parce qu'il y en a une autre qui a aussi les cheveux teintés, et genre il lui disait rien, et là il trouvait tout le temps la même fille, donc je veux pas citer le nom. Avec Hilary FM. Pardon, c'est parti tout voilà. Seul. Voilà. Et voilà, donc le patron, le directeur avec Hilary FM, et. Non, en fait, il avait dit. Attends, c'était quoi déjà? Pardon, j'étais complètement coupé avec moi, avec Hilary FM. Il lui a dit, t'es pas dans une. Attends, dans une soirée. Dans une, ah oui, je me rappelle, dans une soirée hawaïenne ou une soirée. C'est un truc où. T'es pas dans une soirée camp de vacances ou je sais pas trop quoi. C'est un truc où tout le monde est pas échangiste, mais ils sont un peu olé olé. Ils s'habillent comme ils veulent. Libertin. Voilà, ouais. C'est un peu le style libertin. Je sais plus le nom. D'accord. C'est ah ouais, quand truc même. Parti, c'est un truc de fou. Moi, je vois pas qu'est-ce qui dérange en fait. Je veux dire, il y a rien de vulgaire à se teindre les cheveux en une certaine couleur. On voit pas son sein. On voit pas. Je veux dire, c'est des cheveux quoi. Qu'est-ce qu'il a comme problème avec ça? Ça peut choquer. Il y a des gens qui sont choqués par le look gothique. Je connais. Il y a des gens qui sont choqués. Ça peut choquer, mais il y a rien de mal. Donc pourquoi il interdit ça? Notre stagiaire veut intervenir. Après, si tes parents étaient gênés au point de pas vouloir te faire sortir, c'est que c'était quand même assez grave. Ah oui, pour moi, oui. Ses parents, non, mais le petit, on peut plus sortir là. Non, après, la gêne pour les parents, c'est là quand même. Ouais. Mais c'était surtout une protection, comme je dis. C'était, c'était pas la gêne, eux, de me voir avec les cheveux rouges, c'était surtout le pressenti, parce que ma mère savait que j'aimais pas trop qu'on me dévisage. Ouais, elle regarde des gens. Voilà. Et elle s'est dit que si j'allais là, j'avais des risques soit de me faire taper, soit de me faire ci ou ça. Et du coup, enfin, si vous. Et tu as été pour finir ou pas? Non, j'ai pas été. J'étais à la plage par plus tard. J'ai même fait un foot contre des gars et j'ai gagné. Enfin, on s'en fout, mais. J'imagine juste trop la scène. Chérie! Écoute, tu peux plus sortir. C'est pour ton bien. On va te laisser à la maison pour les vacances. Nous, on part tranquillement dans le sud de la France. Et toi, attends que les cheveux repoussent. Mais pourquoi? Mais ils ont pas repoussé. Enfin, genre, ça a mis blindé de temps. J'étais à l'école avec les cheveux. Mais pourquoi t'as pas refait une teinture noire? Noir, j'ai pas des cheveux noirs, trop de balle. Tu prends Tex. Ticule. Non, Tex, l'animateur qui s'est fait virer de France 2, des amours. Ah oui, oui. Voilà, oui. Lui, ça fait 20 ans qu'il devrait avoir les cheveux gris. Il se fait une teinture noire corbeau. Oui, et alors que de base, il a les cheveux châtains. Mais c'est parce que, comme ça aurait complètement couvert ton rouge de faire un truc noir. Mais oui, mais j'aurais eu les cheveux noirs. Et j'ai voulu faire les cheveux noirs. Ah bah. J'y ai pensé. Oui, mais attends. C'est quand même mieux que. Enfin, je veux dire, du coup, c'est plus ça aurait rouge, été c'est mieux noir, que mais ça fait plus naturel. Ça m'aurait fait. Mais moi, je trouve. Non, t'aurais même pas dû faire des teintures noires. T'aurais juste dû emmerder les gens et te dire, allez. C'est ce que j'ai fait, vu que j'ai gardé mes cheveux. Ouais, tu gardes. Voilà. J'ai gardé mes cheveux. À partir du moment où les gens sont pas contents, je fais exprès de garder, tu vois. Après, je vois pas pourquoi tu ferais frapper juste parce que t'as les cheveux rouges. C'est pas logique. À partir du moment où les gens te dévisagent, voilà. Il y a Thomas à la radio. Bon, qui arrive devant. Non mais en plus j'imagine ça devait être compliqué. Mais l'essentiel c'est que maintenant il a retrouvé un rythme capillaire plutôt normal. J'ai refait une colo juste parce qu'on a passé la radio. Oui, il va refaire une coloration. Bien, on devait faire un dossier sur la jalousie, mais malheureusement avec le temps on reportera. Et je sais même pas. Ah oh non. C'était quoi cet effet? Allez, on a encore un petit peu de temps, Thomas. Ouais, mais la jalousie. On a perdu une demi-heure. Oui, je sais. Allez. Allez, on a encore 15 minutes à tout casser. Allez. Bon, allez, j'introduis le sujet. On casse pas trop tout, sinon on va couper. J'introduis le sujet. Messieurs dames, j'espère que vous passez une belle soirée. En tout cas, il est 22h05. On est ensemble. Nos chroniqueurs sont remontés à bloc. On va encore passer un dernier quart d'heure ensemble. Donc belle soirée. Merci. Et voici maintenant la question de la semaine. La question de la semaine. Et dans la question de la semaine, avez-vous déjà été en situation de jalousie extrême? Donc c'est-à-dire au point de faire quelque chose à l'encontre de la personne. Donc c'est-à-dire, moi j'ai un exemple tout con, j'ai une amie, elle était à un bal, elle a vu que son petit copain était en train de la tromper, elle arrivait près de lui, elle l'a giflé. Voilà, ouais. Donc ça c'est clair et net, c'était fait. Bon, finalement, sur le coup, j'étais pas pour. Je dis non, écoute, n'en fais pas ça, s'il te plaît, c'est un pote. Bon, là c'est sûr qu'à l'heure actuelle, je ferai la fille également pour lui foutre une claque également. Mais je sais c'est qui. Ouais, c'est pas grave. Il nous écoute pas. Et Terrence, toi, je sens que t'es pas quelqu'un de méchant, mais si on te fait chier, Je pense que tu pourrais te venger. Oui, franchement. C'est ton genre plutôt. En fait, quoique, je suis fort un pigeon quand même. Mais ouais, jaloux, ça, je suis très très jaloux. La preuve, il arrive à faire ça. Je suis jaloux, mais pas possessif, mais je suis fort jaloux quand même. Mais là, j'ai pas d'exemple là sous la main. On va continuer l'émission. Je t'en donne. Laisse-moi juste un petit peu de temps. On est à la fin de l'émission. Ben, on va pas terminer maintenant. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Non mais sauve-moi, je sais pas, fais quelque chose. Je sais pas quoi dire. Dis-le quelque avec chose. Avec Killer FM. Le connais mieux. Il est comme ça aussi dans le privé. Ça dépend. Ça dépend quand il dort. Je suis encore pire. T'es encore pire, c'est possible. Mais tu me connais, Thomas, dans le privé. Ouais, arrête. C'est vrai. Comme Terence, il nous avait demandé une fois un coca. Savoir que Terence était voilà. Oui. Ah oui. Oh là là. On a passé une belle émission. C'est-à-dire que j'avais pas pris mes médocs et j'ai pris un coca. Du coup, j'étais super excité parce qu'il y a de la caféine dedans et que je suis hyper actif. Donc, il était encore plus speed. Et à un moment, j'ai dit, ça va, Terence? Oui, ça va. On est en info là, c'est super. Mais j'y suis aussi un peu moins. Un peu moins, mais Kylian, lui, ça va parce que c'est. Mais en classe, ça dépend. Parce que moi, quand j'étais en classe avec lui en troisième, il était pire que moi. Il bougeait beaucoup plus en fait. Moi, j'arrivais à rester limite posé et lui, il était toujours obligé avec ses genoux. Et j'étais limite à côté de lui. Je disais, mais gros, arrête, putain, j'arrive pas à me concentrer. Arrête. Ouais. Et il arrivait pas. Limite posé, le mec était quand même dans le placard. Hein. la prof de religion. Hein. Terence, il est pas là aujourd'hui. C'est compliqué, puis Terence. Si, je suis là, madame. Où est-ce qu'il est? Dans le placard. J'étais à Narnia. Ben, reste à Narnia, tiens, voilà le contrôle. Il a dit faire la hétéro dans le noir, dans le placard. Terence, j'ai juste une question. Oui. Qu'est-ce que tu faisais dans un placard? Mais en fait, il y avait une interro et j'avais pas envie de la faire. Du coup, j'étais dans le placard. Pour faire le pitre, du coup, je me suis mis dans le placard. Sauf que, comme par hasard, aujourd'hui, le prof habituel n'était pas là. C'était une remplaçante qui était encore beaucoup plus sévère que lui. Et du coup, j'avais pu sortir, donc je suis resté dans l'armoire. Et puis, il y a une demi-heure, elle dit bon, je lance le contrôle. Je me dis, mais il faut quand même que je le fasse. Je vais avoir un zéro. En plus, elle a dit, Terence n'étant pas là, il aura zéro. Du coup, je sors, je dis non, madame, j'étais à Narnia. Et du coup, reste à Narnia, fais ton contrôle dans l'armoire. Elle m'a marqué quand même dans le journal de classe, se cache dans l'armoire pendant 30 minutes. Je vous dis pas la tête de mes parents quand ils ont vu ça. Mais ils se posent pas de questions, les profs, des fois. Non, j'en ai eu des pires. Hein. Imagine juste. Et il a quand même mis dans un les casiers, un micro branché avec son téléphone par Bluetooth. Oh, c'est une autre fois. Elle est excellente celle-là. Notez-la, mais je veux dire. Oh, j'aurais déjà oublié. Ce qui est quand même louche, c'est que imagine à la salle des profs quoi. Les profs en train de discuter entre eux. Ouais, ça va. Dis-moi, j'ai eu l'élève là, Bernard, Terence Bernard. Appelle-le. Ah, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a foutu un micro dans le casier? Il s'est mis à poil? Non, il était dans un casier. Il a dit qu'il était un Narnien. Très bien. On note, en fait, ils envoient tout ça aux humoristes français les plus connus. Vous savez que ma sœur, d'ailleurs, quand je lui raconte toutes les blagues que je fais en classe, une fois, elle a raconté toutes mes blagues en classe dans sa classe à elle, et maintenant, il y a tous les gens de sa classe qui me recopient et qui font les mêmes blagues que moi au prof. Ah, ça. Ça, c'est l'effet Terence. C'est quand on est aimé. Les amis, il est l'heure de passer à la suite de l'objet du peuple. Un objet a été sélectionné. Oh, il m'embête ce jingle, on met le plus court parce que. L'objet du peuple. L'objet du peuple, est-ce que Kylian peut me rappeler le premier indice? Alors, on me trouve partout. Non. On me trouve. On peut me voir. Non, un truc du style. On me voit tous les jours. Avec les fleurs. Et je change de couleur. Voilà. Et le deuxième indice, laissez-moi le temps d'y venir, c'est je change de couleur. On retourne en suspense. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas technologique, t'as dit. Hein. Non, c'est aucun rapport avec la technologie. Qu'est-ce qui change de couleur, à part un caméléon, naturellement? Le calbar de caméléon, c'est un truc naturel. C'est un truc. Non, mais je veux dire, pas naturel, mais allez. Il y a quand même une pointe d'électricité dedans pour que ça change de couleur, non? Non. Il n'y a pas d'électricité? Non. Ah ouais. Le ciel. Il y a les aurores boréales. Le ciel. Mais vous pensez que c'est le ciel? Les nuages, le ciel. Mais c'est une bonne réponse! J'espère. Mais les ciels changent pas de couleur tous les jours. Bah si. Réveille-toi à 6h du matin. Bah oui, mais au matin il est rose. Avec l'accent, il est bleu. Puis quand il y a des nuages, il est gris. Enfin voilà quoi. Attention, la bonne réponse de l'objet du peuple était. Le ciel, bonne réponse. I'm gonna rock your world. Félicitations l'équipe. Et peut-être que avant vous, des gens ont trouvé via les SMS +32 49 9 15 75 la bonne réponse on lance tout de suite l'ordinateur afin de savoir si un SMS a dit la bonne réponse. C'était plus 32 49 9 15 75 avec la bonne réponse. On lance avec un système de recherche, on tape la bonne réponse et on recherche dans les SMS. C'est parti. Le nom apparaît. La bonne réponse a été donnée au standard par une certaine Amélie. On embrasse Amélie, on va lui ouvrir sa caverne au cadeau et on va hors antenne avec lui, avec elle par téléphone, voir ce qu'elle veut comme cadeau. Évidemment, Kylian gère ça avec elle hors antenne. Il est un petit peu le standardiste et community manager. D'ailleurs, pour les réseaux sociaux, tu invites les gens à aller sur quelle page? Alors, la page Kylian Wolfring. Ah non, pardon. Non, oui, donc... quoi. Terrence Music. Non, donc... Et on me dit que c'est trop long. Non, ça, c'est elle qui me le dit. Non, mais... De quoi? Okay, il a parlé de son entrejambe. Oh là là. Oui, parce que j'ai une jambe plus longue que l'autre. Non, non bref. Donc, sur la page Facebook ou Twitter, il a RFM, ou sur la page Instagram. Ouais, mais il a l'air tellement shooté, là. Bah ouais. Mais là, d'un coup, on dirait François Hollande. Je pense qu'il est très fatigué après nous avoir supporté sur la soirée. Voilà, exactement. C'est la frite qui redescend. C'est marrant parce que depuis le début de l'émission, quand je veux qu'il arrête quelque chose, c'est vraiment je lui fais signe stop, il le stoppe pas. Ah, moi je pensais que tu me salut faisais salut. Bah oui, je lui fais salut depuis le début de l'émission. C'est le mec qui comprend pas quoi, c'est bonjour. Mais non, j'ai bien compris. Ok, bah alors applique la prochaine fois. Donc on va refaire juste un petit point avant de se quitter avec notre ami le fameux. Non. Le fameux. Je sais plus, j'ai noté son nom. Comment il s'appelait? Voilà. Jean-Emmanuel de Savoie. Emmanuel de Savoie, attention, on le retrouve en direct, c'est parti, on l'a... Jean-Emmanuel de Savoie ? Oui, c'est cela, oui. Vous allez bien ? Pas plus que tantôt, mais bon. Est-ce que vous êtes révolté qu'une auditrice a gagné la vitrine au cadeau de Jadoul ? Bah je m'en fous, mais complètement, mon vieux, hein. Ben... Là, je suis sur le pont, là, tu veux... Oh, merde. Le pont ? Le pot. Ah, dans les télétapies. Je suis sur le pot, là. Le pot, là, dans les télétapies. Le pot. Tinky winky. Là, franchement, vous baissez dans mon estime. Non, mais... Pourquoi vous êtes énervé? Vous vouliez remporter le cadeau à sa place? Non, mais je dis, moi, je m'en fous totalement. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre château. Moi, j'attends des vinyles de l'ancien temps, tu sais, de Beethoven. Vous retrouvez la semaine prochaine ou pas? Combien je suis payé déjà? Bah c'est bénévole. C'est un chien. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, je suppose. Bah bien évidemment. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, Jean-Edouard de la Manuelle. Fais chier. Hop, merci à vous. Bien, eh ben, je pense qu'il est temps d'embrasser tous ceux qui ont fait cette émission ce soir. Merci. J'aime bien parce que c'est Jean-Michel Bruitage. Là, il embrasse sa fricadelle qu'il a laissée sur le micro. Ouais, voilà. Il reste des petits bouts. Entre les bouts de métal. Là. Voilà. On va racheter des bonnettes pour les micros parce que franchement, je m'inquiète beaucoup pour l'état des trucs. Après les bonnets, il y a des bonnets. Très bien. Merci. Un dernier bruitage qui vient pour clôturer cette émission. Hilar FM. Merci. Bien. Il le fait trop bien, je suis choqué quoi. Mais arrêtez, il le fait pas bien. Remets le vrai. Tu veux que je remette le vrai? Vas-y. Ah, d'accord. Je te jure, quand il l'a fait, moi je pensais que c'était vraiment le vrai magnéto. J'ai regardé le truc, je dis pourquoi est-ce qu'il le remet deux fois? Je regarde Kylian et en fait, non, c'était sa bouche qui parlait toute seule. En d'accord. fait, c'était lui. Ça, c'est par habitude. Là. Okay. Non, la vraie voix, ça donne ça. Hilar FM. Oui, mais le mec, attends, il passe par plusieurs FM. Il passe par un logiciel. Hein. Non. Ah oh, non, il sort. C'est pas sa voix naturelle. Il prend son micro. Il modifie un petit peu. Ah. Là, oui, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu modifiée. Hilar FM. Mais FM. Quoique quand vous l'écoutez dans les jingles qu'on entend tout au long de l'année, là il la remodifie pas là. Il a une voix beaucoup plus. Rien qu'écouter le générique de l'émission, juste les premières secondes. En direct et en exclusivité pour vous. Ça dépend comment il pose sa voix, vous voyez. Mmh. C'est... Non mais j'aime bien. Hein. Ouais. D'habitude il parle plus comme ça et puis là il est plus posé. Ouais. Par exemple il peut parler plus dans les aigus. Appelez le plus. Là c'est plus dans les aigus. Appelez le plus. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est des petits trucs techniques. Quand il fait le 23h minuit de Boulogne, il fait... Appelez le plus, 32, 40. En fait, qu'est-ce que tu nous fais Kylian? On dirait Mickey. Bonsoir. Non, on dirait les Teletubbies. Oh non. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous avez avec... qu'est-ce que vous avez ce soir avec les Teletubbies? J'ai entendu parler que de ça ce soir. Whoopinaise. Me mange. Quand on arrive à ce moment-là dans l'émission, c'est qu'il est temps de vous sortir de l'antenne. Dites au revoir. Merci Kylian, à la semaine prochaine. Bah, à samedi prochain. À la semaine prochaine, Flanders. Ah ben non, t'es pas là toi, la semaine prochaine. Non, il a l'asile. Pas là, non. Ils ont bien compris, ses parents. Merci monsieur, si vous écoutez, mettez-le bien. Maintenant savoir pourquoi. Parce que je suis à un casting, je crois. Un casting. Je participe à un casting pour un film. Alors, oui. On veut pas être indiscret, mais un casting de quoi? Mais je peux pas dire parce que tant que c'est pas sorti. Bon, un court-métrage. Ah, oui, on le connaît. Avec nos amis de Messancy. Ouais. C'est en direct d'Arlon. Enfin, c'était fait à Arlon. Ils produisent encore des trucs à Messancy. Ouais. Bah oui, plein. Mais c'est ça. C'est pour ça en fait que la série dure beaucoup plus longtemps parce qu'ils produisent plein de trucs à c'est côté. Et ça va plus vite, quoi. D'accord. Pourquoi pas ? Non, c'est parce que j'ai joué dans une autre série, mais qui apprend super longtemps avant que la saison en fait se finisse et qu'il publie enfin la saison. En fait, disons que j'ai joué là-dedans en primaire, quoi. Avec un Carl. Ok, le mec. Pas du tout. Non, c'est avec un Corentin Stock. Complètement à côté de la plaque. C'est comme si on n'avait rien entendu. Non, on parle d'une société de production de Messancy. On parle pas d'une. Ah, ça a rien à voir avec celui qui avait. Parce qu'en fait. Wow. Ouh, purée. Désolé. Terence a toujours l'air de gueuler. Non mais. En fait, Kylian confond avec une société de production mais énorme qui a tourné un gros film il y a deux jours à Arlon dans une église, mais c'est vraiment pas ça. Les choristes. Le jour où la production à Messancy a 12 camions, 23 maquilleuses et enfin, ça m'étonnerait. Bien, je pense que donc tu peux dire au revoir et on se retrouve dans deux semaines, Terence. On se retrouve dans deux semaines. Attention. En forme. C'est un engagement. Ah non. Non, je m'engage pas. Ok, je ne promets rien. T'as raison, c'est bien. Je suis même pas sûr en fait dans deux semaines. Si, ouais. Si. Il est sûr de rien, lui, on sait pas qui il est. C'est pas grave, merci. Il allait déjà retirer son casque. Dès qu'il entend une musique, il retire son casque en mode c'est fini. C'est pas grave, c'est fini pour toi, Terence. Merci d'avoir été là. Merci Kylian. On se retrouve dans le 19h-20h la semaine prochaine. 19h-20h et puis 20h-22h. C'est parfait, merci à notre stagiaire. De rien. Rappelle à tous les auditeurs ton prénom. Mathias. Merci, comme ça je reviens. C'est Mathias. Tu reviendras nous voir. Est-ce que t'as aimé ton expérience ici? Oui, j'ai bien aimé. Ah, j'ai apprécié. Ça va alors. Ça va, je me suis dit, il va être complètement choqué par la bande de bras cassés qui est ici. Mais... Si je peux revenir une fois à l'occasion, ça voilà, m'arrangerait. Bah, tu vois ça avec Terence. Ouais, je vois ça avec lui. Terence est là une fois sur 10. Non, je plaisante. Il est fort présent ces temps-ci, ça va. Messieurs, dames, on se retrouve la semaine prochaine. On rend l'antenne presque à l'heure et c'est ça qui fait aussi la force de cette émission. Ne l'oubliez pas, on sera toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. What's the sense in sharing this one and only life?